Yeah. Okay, say one love. One love, one love, one love, one love, one love, one love. Okay. One love, one love, one love. Yeah. Donc, Je prends mon stylo et j'aligne mes mots. J'ai de la pression dans mon cerveau. J'essaie de faire quelque chose de beau. Je pense déjà à la mort et on me dit que c'est trop tôt, alors que j'ai l'âge d'or pour ne pas y penser. Tu sais, j'ai été touché par la souffrance il y a déjà plusieurs années dans mon enfance. Quand je repense à mes conneries et à mes ennemis, j'en fais des cauchemars à la nuit. La vie est difficile, comment trouver une femme parmi toutes ces filles faciles? Maman, fille facile, maman n'est pas avec moi. Elle est seule dans un HLM, personne ne l'aide, mais je l'aime. Parfois je verse des larmes, car des fois mon âme a ma âme a mal. Quand tout va mal, je prends mon papier et mon stylo et je pose mes mots. J'efface mon stress, j'écris pour les princesses, pour les mecs en basket, mecs en basket. Mais là, le thème c'est one love. Ok, peace, one love. One love, one love, one love. One love, one love, one love, one love. One love, one love, one love. One love, one love, one love, one love. Ok, et quand je pense. One love, ok, one love. Ok, et quand je pense à mon enfance, je revois cette souffrance. J'ai des souvenirs de pleurs ou de rires. J'ai choisi d'être MC car mon esprit est rempli comme les livres. J'ai des histoires qui ressemblent à toi, des potes qui me piégeaient. Nous m'en sommes tous séparés, des salopes m'ont cherché et ne m'ont pas trouvé. Des larmes t'as versé et t'as jugé embrassé, bébé. Un autre jour, une autre histoire. J'ai vu ton corps se faire enterrer, ton corps se faire enterrer. Sache que j'ai pleuré, t'étais comme un père pour moi. Et je t'aimerai, t'étais comme un père pour. T'étais comme un père et t'étais comme un père pour ma père pour moi. Et je t'aime depuis la terre. Chaque jour dans ma vie, des choses arrivent. Parfois je ne vois pas arriver. Et après je me sens comme percuté. Y'a des jours où la vie m'a bousculé. Alors je prends du recul et je regarde mes erreurs. Si j'ai fait du tort, je suis désolé. Mais c'est dur d'aimer quand t'es pas censé exister. Alors ma vie est comme one love, love, one love, love, one love, one love, one love. One love, one love, one love. One love, one love, one love. One love, one thug, one nation. One love. One love, one thug, one love. One thug, one nation, je sens du monde d'affection. Alors j'ai la mentalité de thug pour être respecté. J'ai le savoir pour te faire voir à travers toi. J'ai de l'amour pour les gens qui peuvent me respecter. M'aimer, et maintenant je serai le dernier à me faire enculer par la jalousie. Tu sais, dis peace à tous les jeunes mecs et nanas qui ne sont plus là. Mais on se reverra, pour ça je m'en soucie pas. Je m'en soucie pas. Tu sais, je garde un œil sur toi pour pas que tu te noies dans ce monde-là. Je dirais aussi one love à mon premier love. Les années 90, c'était de la balle pour moi. Je me revois avec mes ex-potes, c'était bon ce temps-là, c'était bon ce temps-là. Vous me manquez, même si on s'est pas vu depuis des années. Le rap m'a éduqué et c'est à moi de te le montrer. One love. Just my pot of queen. Just my pot. Just my pot of queen.